Dès mardi, découvrez L'Appel des Abysses, troisième podcast natif de fiction de France Culture. La tempête a fait des ravages sur le territoire. L'océan a recouvert les continents, l'air est devenu irrespirable. L'élite financière s'est réfugiée dans une cité immergée. À la surface, les plus pauvres étouffent dans un immense bidonville flottant où gronde la révolte. Nous vivons tous accrochés les uns aux autres comme des naufragés à leur radeau. Élevé à l'air libre, Marin découvre qu'il aurait dû grandir dans les profondeurs. Il a été adopté. L'Appel des Abysses, fiction en 10 épisodes, en son immersif, sur franceculture.fr et les plateformes dédiées. Troisième temps de notre série consacrée aux lieux d'écrivains. Aujourd'hui, le débat sur le processus de patrimonialisation des maisons d'écrivains. Lundi, nous évoquions Nohant et Georges Sand avec l'historienne Michèle Perrault. Hier, la mémoire des écrivains d'extrême droite et des collaborateurs. Demain, le documentaire de Cyril Niattard et d'Anne Fleury parcourra un lieu de refuge pour écrivains et penseurs, le Chambon sur le Lignon. Et ce matin, dans une émission co-animée par Séverine Niattard, qui a préparé toute cette semaine avec nous, nous allons nous intéresser à la façon dont on a patrimonialisé ces maisons d'écrivains et surtout depuis la fin du XXe siècle avec Aurore Mirlou-Bognot. Elle est géographe, chercheure associée à l'Unité des mix de recherche territoire de Clermont-Ferrand. Elle est auteure d'une thèse sur l'imaginaire des lieux et l'attractivité des territoires à partir justement de cet exemple des maisons d'écrivains. Alain Tourneux est avec nous, il est président de la Fédération Nationale des Maisons d'Écrivains et Bernard Vasseur est directeur de l'association qui gère la maison Aragon Triolet à Saint-Arloux en Yvelines. Bonjour Séverine Niattard. Bonjour. Bonjour à vous, Aurore Mirlou-Bognot. Bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour Bernard Vasseur. Bonjour. Et bonjour à vous, Alain Tourneux. Alors, nous connaissons cette Fédération Nationale de Maisons d'Écrivains que vous présidez parce qu'elle va fêter son 20e anniversaire, c'est ça? Très précisément, cet automne. Voilà, 20 ans que la Fédération regroupe un certain nombre de maisons, de plus en plus de maisons et de fonds patrimoniaux. Et cette fédération a été créée dans cette fin d'année 90 qui a vu se multiplier, ces années 90 ont vu se multiplier justement l'ouverture de nouvelles maisons d'écrivains. C'est exactement à ce moment-là et au moment où il y avait un rapport qui voyait le jour, le rapport de Michel Mello. C'est à ce moment-là que les premières personnes ont décidé de lancer cette fédération qui s'est lancée historiquement à Bourges. Et donc il y a environ combien de maisons d'écrivains en France ces temps-ci, si on peut les quantifier exactement? Au sein de notre fédération, la moitié ou un peu plus des maisons recensées, c'est-à-dire 150, 180. Selon les années, alors que nous en recensons, je crois, à peu près 300 sur le territoire. Mais Aurore le dira mieux que moi. Aurore Bognot-Mirlou. Dans le cadre de ma thèse, j'avais identifié, grâce aussi aux données de la Fédération des maisons d'écrivains, 185 maisons. Et exactement. Après, c'est un chiffre qui varie, sachant qu'on considère traditionnellement une maison d'écrivain comme un lieu qui est ouvert au public. Ça, c'est le fait qu'il puisse être visitable, même sur rendez-vous. Ou même pendant les journées du patrimoine qui se sont voilà, mais qu'il week-end. Puisse être visitable et le statut d'écrivain, bien sûr, qui doit être reconnu. C'est vrai, Niattard. En tout état de cause, au moment où ce phénomène prend une ampleur quand même assez importante, il va interpeller aussi le ministère de la Culture face à des lieux qui sont... ou qui ne sont pas à la fois des musées, des bibliothèques, des espaces de visite. Et donc, c'est pour ça que d'ailleurs, deux rapports vont être même commandés pour essayer un petit peu de cadrer ces espaces, ces institutions culturelles. Bon, administrativement aussi, hein, peut-être. Bernard Vasseur sur cette, oui, sur les origines des années 80, durant les années 90. Je crois qu'il n'y a pas de statut très net des maisons d'écrivains dans la taxinomie administration française. Il y a ce que vous dites, c'est-à-dire il y a des bibliothèques, il y a des musées, il y a des lieux d'archives, et les maisons d'écrivains, c'est parfois un peu tout ça à la fois. Donc c'est vrai que c'est très difficile à définir, je le vois, pour trouver des interlocuteurs. C'est à la fois le livre et la lecture, c'est à la fois le tourisme, c'est à la fois la culture, et donc quand vous avez beaucoup d'interlocuteurs comme ça, c'est jamais, on peut jouer au petit, vous savez, on vous envoie de l'un à l'autre, vous vous adressez à l'un qui vous dit, ah ben non, vous voyez mon collègue, etc. Ça ressemble au dessin animé d'Astérix et Obélix, tentant de faire tamponner un document, dans une grande administration romaine de l'époque, Alain Tourneux. Et puis il faut dire que ces maisons, elles ont un statut très différent. Il y a celles qui appartiennent à des collectivités publiques, qui sont gérées par ces collectivités, avec quelques moyens. Il y a celles qui dépendent d'un statut associatif, et puis il y a aussi des propriétés privées. Et il arrive même que certains propriétaires achètent une maison sans savoir qu'elle a été celle d'un écrivain, et qui se prennent ensuite de passion pour celui qui a habité et fait vivre ces lieux autrefois, quand ils ont découvert que c'était la maison d'un écrivain. Oui, donc voilà les statuts bien différents. Oui, on voit par exemple qu'il y aura peut-être une 186e maison d'écrivain au mois de février, puisque le 9 février ouvrira la Villa Bloch, du nom de Jean-Richard Bloch, dont grand ami d'ailleurs de Louis Aragon. C'est à Poitiers, dans ma bonne ville de Poitiers, qui va donc accueillir des artistes dans son espace. Il y aura des lieux de résidence pour artistes ou pour écrivains, mais aussi pour journalistes qui sont poursuivis dans leur propre pays, parce que c'était un grand journaliste aussi, Jean-Richard Bloch. Donc on voit bien qu'il y a là un intérêt. On se retrouve une municipalité à qui on donne une maison. Il se trouve que cette maison est une maison d'écrivains. Que va en faire la municipalité ? C'est une vaste question. Alors parfois, c'est un petit peu un cadeau empoisonné, parce que la municipalité se retrouve propriétaire d'un lieu. C'est moi, effectivement, dans le cadre de ma thèse, je me suis plutôt intéressée à des maisons situées dans des espaces ruraux isolés, donc parfois des toutes petites maisons. On pourrait citer le cas de la maison Charles-Louis-Philippe à Sérilly dans l'Allier, qui est la plus petite maison, qui est composée, c'est une demeure de sabotier. Et donc, c'est une toute petite maison, la commune en est propriétaire. Une association... Vous vous rappelez qui était Charles-Louis-Philippe ? Charles-Louis-Philippe, c'est un auteur... C'est en tout cas, parmi tous les écrivains que j'en connais certains... Début du siècle, qui est mort très jeune, à moins de 40 ans, de la fièvre typhoïde, mais qui a eu beaucoup de succès, qui était monté à Paris. Et donc, c'est l'auteur de « La mère et l'enfant ». Et donc, ces obsèques ont connu, ont fait venir le tout Paris dans cette fameuse ville, le petit Sérilly qui dépeignait tant. Et donc, c'est un petit musée qui a ce côté un petit peu attachant et qui, voilà, connaît 300 visiteurs annuels, mais qui permet de continuer à éditer, en fait, à continuer à éditer ses œuvres, ce qui est déjà un succès en soi. Oui. Et ça, c'est un petit peu le paradoxe, hein, que vous soulevez, chacun. C'est-à-dire que ces maisons, elles sont pas forcément rentables, hein. Parfois, elles sont justement exiguës. Il y a beaucoup de travaux à faire, très peu de visiteurs. Alors, il y en a quelques-unes, évidemment, comme celle, par exemple, de Georges Sand, qui draine un certain nombre de visiteurs. Mais, et cependant, les collectivités, généralement, souhaitent, voilà, entretenir ce patrimoine, ce lieu de mémoire. Alors, pour développer le tourisme, peut-être, mais... qui n'est pas si non plus foisonnant. S'agissant d'Aragon, c'est pas vraiment les municipalités qui ont été à l'initiative. C'est Aragon qui souhaitait que sa maison, vous savez, il n'avait pas d'enfants, etc., devienne un lieu ouvert au public après sa mort. Son exécuteur testamentaire, le poète Jean Rista, s'est mis en situation de faire ça. Le legs a été accepté par l'État, à charge pour lui de créer une fondation dans le lieu, qui finalement, ce qui a été créé, c'est une association. Et cette association, aujourd'hui, elle accueille des visiteurs, hein, conformément aux souhaits d'Aragon. Et puis, il y a... Vous drainez combien de ceux qui, comme moi, passent sur l'autoroute, en descendant ou en remontant de Bordeaux? Vous avez un beau panneau. Ah ben oui, vous avez un beau panneau. Mais ça fait combien de visiteurs, par exemple, à la Maison d'Aragon? On a quand même et des ateliers. L'équipe du Moulin a beaucoup développé ça. On est aujourd'hui à 20 000 visiteurs à Saint-Arnoult, hein, pas à Paris. 20 000 visiteurs à Saint-Arnoult et une dizaine de mille de scolaires. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a beaucoup développé la fabrique des Aragoniens de demain, si vous voulez. Jaloux des gouttes de pluie qui trop semblent des baisers, les yeux de tous ceux qui lui sont raison de jalouser. Jaloux des miroirs, des morsures de l'abeille, de l'oubli, de la mémoire, de l'abandon du sommeil, du trottoir qu'elle a choisi, des mains frôleuses du vent, ma vivante jalousie qui me réveille en rêvant, jaloux d'un chant, d'une plainte, d'un souffle, à peine un soupir, jaloux des jacinthes, d'un parfum, d'un souvenir, jaloux des statues au regard vide et troublant, jaloux quand elle s'est tue, jaloux de son papier blanc, d'un rire ou d'une louange, d'un frisson quand c'est l'hiver, de la robe qu'elle change, au printemps des arbres verts, de l'avoir aimé le feu, d'une branche qui la suit, du peigne dans ses cheveux à l'aurore de minuit, de qui doit être les prises qu'elle porte ses turquoises. Ah, la nuit me martyrise avec ses ombres narquoises, jaloux en toute saison, traversé de mille clous, à perdre toute raison, jaloux comme un chien jaloux de toute la terre quand elle arrive un peu tard, tous ses gestes sont mystères, jaloux des guitares. Un extrait de L'amour d'Elsa, de Louis Aragon, lu par Jean-Louis Barrault en 1973. Je rappelle que vous êtes en train d'écouter La Fabrique de l'Histoire, une série consacrée aux lieux d'écrivains. Et aujourd'hui, nous nous intéressons à la question de la patrimonialisation de ces lieux d'écrivains, avec trois invités. Bernard Vasseur, que l'on vient d'écouter, qui est directeur de l'association qui gère la maison Aragon-Triolet à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Aurore Mirlou-Bognot, qui est une géographe qui a fait sa thèse justement sur l'importance pour les territoires de ces maisons d'écrivains. Et Alain Tourneux, qui préside la Fédération nationale des maisons d'écrivains, qui le mois prochain, dans deux mois, célébrera ses 20 ans, cette fédération. Alain Tourneux. Alors, cette fédération s'efforce de regrouper les personnes qui gèrent les maisons, que ce soit, je l'indiquais tout à l'heure, des privés, des associations, ou bien les représentants des collectivités. Et nous avons pour but de faire passer l'information, de nous connaître, d'organiser des rencontres qui permettent de mieux travailler ensemble. Il y a des réseaux régionaux qui se sont mis en place. Certains, comme les Hauts-de-France ou l'Aquitaine, fonctionnent très bien. D'autres commencent à se mettre en place. Et cela permet précisément... à l'époque de nos grandes régions, de mieux d'être partenaire plus facilement des nouvelles régions. Séverine Attin. Alors, pour revenir voilà sur la diversité, parce que finalement ce qui caractérise c'est vraiment la diversité de ces maisons, hein, à la fois en tant qu'espace concret, c'est-à-dire ça peut être une petite chaumière, un château, un paysage. Et puis après, il y a ce qu'on y fait, évidemment, ce qu'on en fait, c'est-à-dire c'est aussi l'art d'accommoder les restes, hein, d'une certaine manière, parce que parfois, il ne reste pas grand-chose, en l'occurrence. Ça peut être opulent, mais à l'inverse, ça peut être très, très sobre. Il est vraiment question d'invention patrimoniale, en fait, du lieu. C'est qu'on a d'abord un lieu qui est une demeure de l'intime, qui a été habité en son temps par un auteur, parfois visité de son vivant. Après, là, il y a Il y a un temps où on ne sait pas ce qui s'est passé. Parfois, le lieu s'est un peu perdu entre différents héritages. Et puis, le jour où on décide finalement de convertir ce lieu et qui devient d'une demeure privée à un lieu public avec un espace muséal. Accueillant du public, avec des fonctions diverses. Donc, c'est vraiment un espace polymorphe où les fonctions se juxtaposent, aussi bien pour ceux qui l'aménagent que pour ceux qui le visitent. Mais qu'est-ce que le fétichisme de cette maison? C'est-à-dire, parce que c'est un fétiche, une maison donc qui a été peuplée à un moment ou à un autre par un écrivain. Qu'est-ce qu'on va y chercher anthropologiquement pour... Alors, on va y chercher beaucoup de choses. Ça m'a intéressé, surtout que la maison, notamment la maison d'enfance, recouvre plusieurs dimensions pour le visiteur. Bachelard l'avait traité dans la poétique de l'espace, la fonction de la maison. Et on retrouve en fait chez les visiteurs toutes ces dimensions. On entre par la littérature, par les souvenirs de ses propres lectures. Et donc on vient y retrouver aussi un petit peu son enfance. Et donc je m'étais intéressée dans le cadre de ma thèse à la lecture des livres d'or, en fait, qui étaient très riches d'informations, qui permettaient d'aller beaucoup plus loin que les simples... questionnaire, dans le sens où c'était des écrits très spontanés des visiteurs à l'issue de leur visite et qui permet d'accéder au registre des perceptions et de leurs émotions et aussi de faire émerger l'œuvre et les imaginaires sans avoir à la convoquer, en fait. Et c'était assez stupéfiant, en fait, ce que j'ai pu trouver. Qu'est-ce qu'on disait, alors, ces visiteurs ? Alors, on ressent vraiment tout ce champ lexical autour de la magie, de l'esprit du lieu, de l'âme, entrer dans l'âme de l'auteur. Il y a vraiment quelque chose de physique, en fait, qui est de l'ordre un peu presque du mystique pour certains. Et puis l'idée de comprendre le génie créateur en s'y frottant un petit peu, avec un petit peu aussi la pensée magique que peut-être on va en profiter, on va être touché. Et du coup, dans certains écrits, on sent une espèce de mimétisme avec ce contact de l'auteur. Chez George Sand, on voit le romantisme. Dans le Grand Maulne, j'ai senti beaucoup de poésie. Des gens écrivaient des poèmes s'adressant directement au personnage du Grand Maulne. Alain Tourneux, quelle est la magie qui a conduit une très grande auteure contemporaine, Patti Smith, à vouloir acheter la maison natale de Rimbaud? Vous êtes grand connaisseur de Rimbaud et de son œuvre et de cette ville où il est né. La maison natale de Rimbaud, dont on apprend qu'elle a été détruite par les Allemands pendant la Première Guerre mondiale, donc ça n'est pas la maison natale de Rimbaud, c'est le lieu de la maison natale de Rimbaud sur laquelle on a reconstruit une nouvelle maison après la Première Guerre mondiale. Qu'est-ce qui pousse Patti Smith à acheter une maison comme celle-ci? Quelle est la valeur d'une maison que d'une certaine façon, Rimbaud n'a jamais parcourue telle qu'elle? Non, mais il a foulé le sol. On trouve encore la pierre de seuil, la pierre de l'escalier. On trouve le mur de la grange à quelques mètres. On trouve les poteaux qui menaient au potager. Et puis ce sol, c'est aussi celui de l'environnement immédiat, celui de toutes les balades de la saison en enfer. Et c'est cela qu'elle a voulu retrouver, Patti Smith. Et puis, véritablement, c'est bien ce que disait Michel Mello quand il avait fait son rapport. Il disait, avant, on allait visiter la chasse de Saint-Arnulfe dans une ville, on allait visiter les dépouilles mortelles d'un autre saint dans une cathédrale. Maintenant, on va visiter la pierre qui a touché le pied de Rimbaud. Oui, et puis c'est une façon d'être en connexion avec l'environnement, avec le paysage, de ressentir le courant d'air, en quelque sorte, le souffle qui a pu passer par là il y a quelques décennies, un siècle. Mais enfin, il y avait l'idée aussi, bon, c'est ce que disait Michel Mello, c'est-à-dire pas de culte de saint sans lieu, hein, et d'une certaine manière, pas de culte de l'écrivain sans lieu de l'écrivain. Et c'est vrai que la maison, finalement, bah oui, on est sur le côté matériel, la pierre. Bernard Vasseur, vous n'avez pas l'air d'accord avec ce que vient de dire Alain Tourneux. Non, si, c'est-à-dire qu'il y a bien entendu une partie du public... Moi, je les appelle les pèlerins, hein, qui vient. Ce sont des pèlerins, d'ailleurs. Ben voilà, qui vient dans le lieu pour ça. Mais moi, si je regarde, vous voyez, si je prends uniquement la maison d'Aragon et d'Elsa Triolet, bon, les gens qui viennent en sachant qui est Aragon, qui est Elsa Triolet, qui ont lu leurs livres, qui veulent partager et retrouver donc une certaine émotion, des valeurs qu'ils ont partagées, des combats, etc. Bon, cela existe, mais ils sont dans le public 5% peut-être. Ils ne sont pas du tout majoritaires, c'est ce que vous dites. Non. Moi, les gens qui viennent, ils viennent... Mon idée est la suivante, c'est... Et la thèse que je défends à la direction de ce lieu, c'est de dire, voilà... Les gens viennent visiter une maison. Et alors, quand on leur demande, mais vous savez qui est Aragon, etc., non, non, ah bon, sa femme était russe, hein, mais je ne savais pas. Vous voyez, bon, ils ne connaissent pas, quoi. Il y a une personne, pourquoi viennent-ils ? Parce que c'est pas cher, parce que c'est pas loin, parce que c'est... Parce que c'est dimanche, parce que c'est qu'on dimanche, va faire une balade. Voilà, etc., parce qu'il faut... Et si vous voulez, ça se visite sans problème, une maison. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est, comme un musée, c'est totalement moins décomplexé. Vous visitez une maison, c'est sympa. Et d'ailleurs, moi, la catégorie qui vient souvent, quand je dis aux gens, mais alors pourquoi vous êtes venu visiter cette maison ? Ils me disent, bah, c'est la maison d'un homme célèbre. Vous voyez, la catégorie, c'est homme célèbre. Et quand on essaie d'expliquer pourquoi, et alors, je termine juste sur ce point. Moi, ma thèse, c'est de dire, voilà, Aragon et Elsa Triolet nous ont laissé leur maison. Mais très franchement, ce qu'ils nous ont laissé de plus précieux, c'est leurs œuvres, c'est leurs livres. Bon. Donc, il faut utiliser la maison où les gens viennent comme vecteur pour aller jusqu'au livre, parce que c'est quand même ça qu'il faut. Et ça, je crois que ça marche. La maison comme lieu de passage et de transmission et de guidage vers la lecture des livres, ça, oui, les maisons d'écrivains peuvent jouer un grand rôle. C'est pas simplement le seuil de la maison de Rimbaud qui est important, c'est la maison comme seuil vers l'œuvre, justement. Rimbaud a habité plusieurs maisons, et en particulier lorsque j'étais à Charleville, il y a eu cette difficulté d'ouvrir une maison, c'est qui était la maison de son adolescence, et la collectivité, la ville, avait pu acheter la maison où il avait habité lorsqu'il était en période de création poétique, et nous nous sommes trouvés confrontés à une maison qui était vide. Alors, fallait-il la meubler ? Fallait-il aller chercher des meubles de brocante ? Non, ça, on y a vite renoncé. Et le parti pris, et c'était pour moi un effort assez considérable que de me résoudre à cela, ça a été de la présenter vide. Vide. Oui, c'est la question de la maison de Julien Gracq, par exemple. Exactement. À Saint-Florent-le-Vieil. Il a tout vendu, tout a été vendu par ses héritiers. Et donc, on n'a plus que le bureau et la chaise de Julien Gracq. Ça doit être difficile de l'animer à Charleville. Charleville, il n'y a rien, si ce n'est que l'on a fait passer sur les murs, sur les anciens papiers peints, retrouvés parfois, des ombres furtives, quelques fragments de poèmes, et puis... Mais c'est pareil pour la maison de Victor Hugo, pour la vallée aux loups de Châteaubriand. Nous, à la maison Aragon, on a la chance... qu'il n'y ait personne... Elle était habitée encore, finalement. Elle est restée habitée. Enfin... Elle a été habitée, personne n'a habité après eux. Elle est encore dans l'état où elle était quand on a, le 27 décembre 1982, on a enterré Aragon qui venait rejoindre dans sa tombe Elsa Triolet. Et donc, souvent, les gens nous disent... On a le sentiment qu'ils peuvent rentrer d'une minute à l'autre, si vous voulez. Vous voyez, il y a ce petit sentiment. C'est quand même un peu fantomatique, tout de même. C'est fantomatique. Ce sont des spectres, mais vous savez bien, les morts, ils n'ont pas disparu, ils sont devenus invisibles. Et c'est un petit peu ce que j'avais observé quand j'ai essayé de m'essayer à une typologie des maisons d'écrivains. Il y avait ces maisons du souvenir dont on a parlé, et ces maisons qui sont finalement des maisons-projets. C'est des maisons en devenir, c'est-à-dire que le cadre est là, mais les murs sont vides. Donc j'ai le souvenir de la maison Paul Claudel à Villeneuve-sur-Fer, qui vient d'ouvrir cette année. Mais donc on avait ce projet de maison avec une association très active. Et finalement, la maison vivait parce qu'ils avaient des appels constamment de gens qui voulaient la visiter. Ils ne pouvaient pas la faire visiter. Et l'association proposait des balades dans les alentours, où il a écrit énormément sur les alentours. Donc finalement, le lieu existait, le réseau existait, mais finalement c'était quand même une coquille vide. Donc cette maison, les maisons les plus récentes s'appellent souvent maisons d'évocation. Donc ça permet finalement de créer un projet un petit peu autour de l'imaginaire. Et là, pour le coup, cette absence de traces, on peut presque en faire une chance d'une certaine manière, parce que on peut faire appel à différentes sources de valorisation et construire un projet, co-construire un projet collectif. Et cet imaginaire, il est aussi renforcé par les œuvres de création qui viennent surajouter aux œuvres des auteurs eux-mêmes. Je me souviendrai toujours d'une visite dans le Boulonnais, sur les pas de Berlanos, où quelqu'un d'un village du Boulonnais me dit « c'est la maison de Mouchette ». Or, évidemment, ça n'était pas la maison de Mouchette, c'était l'invention qui était sortie de la tête de Maurice Pialat, filmant Gérard Depardieu et inventant cette maison de Mouchette, qui était la maison voulue par le décorateur du film, qui était devenue entre-temps la maison de Mouchette. C'était ainsi que chacun en parlait après la réussite de « Sous le soleil de Satan ». Un extrait de Fanfare de Benjamin Britten d'après les illuminations de Rimbaud par le Northern Orchestra dirigé par Neville Mariner. Nous sommes dans une émission de la Fabrique de l'Histoire consacrée à la patrimonialisation des maisons d'écrivains. Séverine Yatard. C'est ces coquilles vides, comme vous les nommiez, Aurore Mirlou-Bogneau. Elles sont, voilà aussi l'occasion, c'est ce que vous avez commencé à esquisser, de faire de ces maisons, par exemple, des résidences d'écrivains. Voilà, en rapport donc évidemment avec la littérature, l'écriture, ou des lieux de colloques. Je crois que vous en faites nombreux à la maison Aragon des Atrouillolais. Donc un espace évocateur à partir duquel on peut voilà, parler de littérature autrement, enfin faire un lien avec la littérature autrement. Ah oui, ça me fait penser aussi au cas de la maison Albert Londres à Vichy, qui en fait est en phase de restauration. Et là aussi, le projet était entièrement à construire parce que la maison était au stade de tomber en ruine. Donc, il s'agissait de la sauver dans un premier temps. Il y a plusieurs associations qui se sont mobilisées. Et il y a eu quelque chose d'intéressant dans le sens où il y a eu un appel au don, un financement participatif, qui dans un premier temps a trouvé peu d'écho dans la ville de Vichy. Et qui a été relayé dans les médias nationaux et qui a eu beaucoup de succès. Et là, on a vu finalement du fait que finalement la France entière s'intéressait à Albert Londres et au journalisme. Localement, finalement, il y a eu un second souffle et cette maison a pu être restaurée. Et donc, il y a toute une réflexion maintenant autour du thème à développer dans cette maison qui serait autour du journalisme. Voilà. La grande enquête type Albert Londres. Alain Tourneux. Je crois que les candidats se pressent pour faire des résidences de poètes dans les maisons d'écrivains. Et c'est vraiment une façon d'habiter la maison. On le voit chez Julien Gracq, on le voit dans sa maison. On le voyait bien sûr à Charleville. Et le fait d'être dans la maison est une source d'inspiration considérable pour le résident, le poète invité, l'écrivain invité. Et en même temps, on sait aussi très bien que de nombreux écrivains poètes n'ont pas écrit tant que ça dans leur maison. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce d'ambiguïté. Absolument. Le visiteur ou le jeune écrivain va venir dans cette maison pour avoir une certaine inspiration, en sachant pertinemment que l'écrivain en question a peu écrit dans cette maison-là. Oui, Bernard Vasseur. Oui, mais vous voyez, le problème qui nous est posé, c'est comment faire revenir des gens dans un lieu, une fois qu'ils l'ont visité. Parce que je vois, par exemple, à Saint-Arnoux, en Yvelines... Pour la maison Aragon-Triolet. La maison d'Aragon et d'Elsa Triolet, bon, vous pouvez la visiter, elle est authentique, je le disais tout à l'heure, etc. Elle est vraiment telle qu'elle était dans l'état où ils y étaient. C'est très émouvant de voir que c'est là que des belles pages de la littérature française ont été écrites, etc. Bon, mais une fois que vous avez vu ça, par définition, ça ne change pas. Ouais. Ça reste. Puisqu'il n'y a personne qui vit dans cette maison. Ben voilà. Comment faire revenir des gens Vous avez le même problème que Walt Disney ou que Castelix. C'est-à-dire, c'est l'importance de montrer que c'est un patrimoine vivant. Hein, Aragon tenait beaucoup à ce que cette maison ne devienne pas un mausolée. Hein, mausolée surtout qu'il connaissait les mausolées, en l'occurrence. Oui, ben voilà. Donc, mais il disait qu'il y en a assez, si vous voulez, de mausolées. Bon. Alors lui, il voulait que ça soit un lieu vivant. En gros, son idée était la suivante. C'était de dire, surtout pas un lieu tourné vers le passé. Or, il savait bien que eux-mêmes allaient devenir, enfin, ils allaient mourir, etc. Donc, l'idée, c'est, on voudrait que notre maison serve à faire, quand on sera mort, qu'elle continue de faire ce qu'on aimait faire quand on était vivant. C'est-à-dire un lieu où l'on parle de poésie, ou de littérature, puisqu'il s'agit d'écrivains. Un lieu où on s'occupe, où on fait des expositions d'art, puisqu'il s'agit de quelqu'un qui a eu de nombreux rapports et de nombreux textes, d'amitié avec Picasso, Matisse, etc., enfin avec des artistes. Donc, si vous voulez, c'est ce qui fait que le lieu a aujourd'hui une saison culturelle, c'est-à-dire que des gens peuvent venir... Et devenu un petit centre culturel, voilà, dans la région. Voilà, oui, un lieu artistique et culturel. Alain Tourneux, c'est quand même étrange, parce que tout compte fait, on se dit, visiter l'atelier d'un artiste peintre, par exemple, c'est rentrer dans les outils, c'est ce que disait Michel Melot dans son rapport, avec les outils du peintre. On a le chevalet, on a la palette, on a les couleurs, on a la lumière dont a bénéficié ce peintre. Entrer dans une maison d'écrivain, c'est entrer dans la vie intime d'une personne qui, effectivement, peut écrire à peu près n'importe où, dans son lit, dans sa cuisine, dans son salon, ou dans un bureau dédié à cela. Mais d'une certaine façon, il n'y a pas d'outils, il n'y a rien qui nous dit quoi que ce soit. On a bien compris qu'il y avait l'âme dont vous parliez tout à l'heure et dont parlait aussi Aurore Mirlou-Bogneau, mais pas beaucoup d'autres choses. Cela varie selon les auteurs. Certes, certains ont laissé leur bureau, leur plume, l'encrier. Oui, on peut avoir la houppelande de Balzac, voilà. On peut avoir... voilà. Donc on ressent particulièrement auprès du public ces différences. Le public, j'allais dire majoritairement, mais vous l'avez dit, vient sur des lieux voir le cadre de vie d'un auteur. Et je voudrais aussi dire que dans les maisons récemment ouvertes, il y a cette très belle maison de Colette à Saint-Sauveur-en-Puisaye aussi qui est là. Il y a beaucoup de reconstitution parce que quand l'auteur a décrit son environnement, c'est beaucoup plus facile d'aller dans ce sens. Enfin, facile. Donc on fait la brocante. C'est jamais facile. Et puis on essaie de retrouver le mobilier d'époque, parfois même le mobilier authentique, celui qui était dans la maison. Et la maison de Colette est un excellent exemple. Mais on peut aussi faire vivre ces maisons tout en les laissant vides, je l'ai vu au travers de Rimbaud. Et quels sont les motifs de la visite? Parce que vous avez étudié ça, Aurore Mirlou-Bogneau. Alors, vous nous avez parlé des livres d'or, d'interviews que vous avez dû réaliser, j'imagine, en sortant la visite, et de ce rapport, finalement, à la littérature. Parce qu'on pourrait penser, évidemment, que ce sont les passionnés de Colette, Rimbaud, qui vont, qui ont lu ces auteurs et qui vont visiter la maison du grand écrivain, mais pas forcément, en fait. Pas forcément. Donc effectivement, on a quand même, quand on regarde un peu les profils de visiteurs, majoritairement des personnes de 80%, plus de 40 ans, plutôt des femmes, plutôt profession intellectuelle supérieure, avec une grande majorité d'enseignants, dont on est quand même dans ce qu'on attend, dans ce qu'on pressent. Par contre, si on distingue un petit peu, je me suis intéressée à distinguer les touristes des habitants. Là, il y a des choses différentes qui apparaissaient. Donc, les touristes, effectivement, viennent pour le patrimoine, la dimension patrimoniale, le lieu. Ils découvrent sur place, ils connaissaient pas. Voilà, ça les invite à découvrir l'œuvre. Les habitants, ils ont un rapport qui est un petit... ceux qui viennent, ils ont un rapport d'attachement qui transparaît quand même avec un nombre important de secondes qui viennent plusieurs fois, qui viennent avec des proches quand ils reçoivent, qui viennent aussi pour les animations qui sont proposées. Donc, ça, on voit quand même que cette fonction d'animation du territoire, ça fonctionne auprès d'un certain public. Les jardins aussi, on n'en a pas parlé, c'est quelque chose d'assez important où les personnes viennent pour l'ambiance. Voilà. Après, ceux qui ont lu l'œuvre, c'est à peu près à peine un tiers des personnes qui viennent. Et effectivement, les motifs de visite sont vraiment de différents ordres. Et vous dites d'ailleurs, par exemple, que la maison d'Alain Fournier, qui est un petit peu particulière, une maison école, le best-seller, parce que voilà. Que tout le monde, chacun allait à l'école. Il y a le rapport à la littérature et à l'école. Un peu obligé. C'est ça. Voilà. C'est une maison vraiment particulière, mais qui en plus, c'est la seule qui porte le nom, non pas de l'auteur, mais de l'ouvrage, le Grand Môle. Et elle est doublement signifiante, puisque c'était la maison de l'auteur de son enfance et la maison, le cadre du roman. Donc c'est vrai qu'il y a, une dimension très particulière dans cette maison où les gens... ont un rapport très particulier au lieu et à l'école et à leurs souvenirs qui viennent toucher physiquement. Enfin, c'est des témoignages que j'ai vus de cet ordre-là. Il y a le toucher du doigt ses souvenirs d'enfance. À travers la visite. Livre à la main pour certains. Je vous propose d'écouter un extrait d'un texte de Sacha Guitry. C'était en 1931 à propos d'une maison dont on a beaucoup parlé récemment, la maison de Pierre Loti. Cette maison, c'est sa maison natale. Elle est à Rochefort. C'était son port d'attache et c'est là qu'il souhaitait s'éteindre. Elle l'avait vu naître, elle l'avait vu vivre, mais le destin n'a pas voulu qu'elle le vît mourir. Faut-il s'en étonner? Je m'imagine qu'on doit fuir, sitôt qu'on l'a choisi, la maison dans laquelle on s'est fait le serment de terminer ses jours. De la rue, la maison de Loti est aveugle et muette. J'entends par là que ses volets sont clos et qu'elle ne dit rien. Elle est comme un livre à l'envers. Entrons. C'est un livre de lui, ou plutôt un recueil de ses pages choisies. C'est d'abord un salon de province avec des portraits de famille accrochés au mur, de grands portraits mal peints, personnages figés, sans aucune expression, dans leurs vêtements démodés qui seront bientôt des costumes. Rideau épais, d'un rouge sombre, un mobilier de style empire, un clavecin et quelques bibelots, qui ne sont pas précieux, mais qui sont sacrés. Et ce salon, c'est son enfance. C'est ce salon qu'il a quitté quand il s'est engagé joyeux dans la marine. C'est ce salon qu'il a revu 10 ans plus tard et qu'il a traversé sur la pointe des pieds pour aller s'installer dans le salon voisin avec la jeune fille qu'il venait d'épouser. Un extrait de La Maison de Pierre Loti, un texte de Sacha Guitry en 1931, lu par Pierre-Yves Leprin. C'était en 1977 dans l'émission Présence des Arts. Nous parlons de ces maisons d'écrivains en compagnie de 3 invités. Et justement, Alain Tourneux, on pourrait évoquer, vous qui dirigez cette fédération des maisons d'écrivains et qui va donc avoir un colloque le 15, 16 et 17 novembre prochain à Bourges, on pourrait évoquer ce loto du patrimoine qui a mis en avant certaines de ces maisons d'écrivains. On sait que le président de la République s'est rendu dans la villa Viardot, donc dans l'enceinte de la maison Tourgueniev, c'était à Bougival. On a beaucoup parlé de la passion de Stéphane Bern pour la maison de Pierre Loti à Rochefort qu'il fallait restaurer, et des polémiques qui ont suivi, évidemment, parce que l'œuvre de Pierre Loti peut être considérée par certains aujourd'hui comme une œuvre colonialiste ou anti-arménienne. Donc il y a aussi la mise en avant patrimoniale, mais peut-être parce que ces écrivains sont des écrivains du siècle passé, ne sont pas tous de fervents républicains, ou sont trop républicains pour certains. En tout cas, ces personnages-là peuvent provoquer des polémiques à l'intour. De vous en discuter entre vous dans les fédérations d'écrivains, de maisons d'écrivains? Oui, bien sûr, vous savez, enfin, on le sait tous, beaucoup d'écrivains ont eu des réputations sulfureuses. Et nul n'étant prophète en son pays, il est parfois difficile, est-ce qu'on peut envisager de dire de réhabiliter, en tout cas. On parlait hier effectivement de la maison de Céline ou de la maison de Maurras à Martigues. Mais de là, allez, il n'y a pas de censure, donc il y a nécessité malgré tout d'évoquer ces moments de la littérature. Et le loto du patrimoine est une chose, mais ce que l'on remarque, c'est que les collectivités ont accepté d'une certaine façon leurs auteurs, même quand ils sont un petit peu sulfureux. Et les collectivités, depuis 20 ans, nous l'évoquions, font cet effort d'aller dans cette direction, de montrer mieux, d'évoquer, et les choses vont plutôt dans le bon sens. Oui, en concernant Aragon, par exemple. Bernard Vasseur, est-ce que... mais je voulais dire quelque chose tout à l'heure, je viens à votre question. Quand vous disiez l'atelier du peintre, il y a les couleurs, il y a l'huile, il y a les chevalets, etc. Et donc, ça manque dans les maisons d'écrivains. Oui, mais dans les maisons d'écrivains, on peut faire entendre les textes. Ah oui, nous, on ne conçoit que la visite, si vous voulez, toutes les visites de la maison sont accompagnées. Et tout est prétexte à lire de la poésie, à la faire entendre, ou à faire entendre de la prose d'Elsa Triolet, etc. Et moi, rien ne me rend plus heureux que quand à la sortie, quelqu'un qui est à la sortie de la visite, 3/4 d'heure après, quelqu'un qui est venu en se disant « la poésie, c'est vraiment pas pour moi, c'est vraiment pas bon », et qui me dit « mais écoutez, monsieur, le poème que vous nous avez dit là ou que vous nous avez lu, il est dans quel... voyez, il est dans quel livre, je voudrais l'offrir, etc. » Et ça me fait quelque chose. Alors, évidemment, Aragon, c'est aussi les poèmes des années 20, c'est aussi Feu sur le parti. Feu sur Léon Blum. Feu sur Léon Blum. Paul Blanco. Ouais, voilà. Oui. Donc, Descendez les flics, camarades, les flics. Vous voyez, les rappeurs n'ont rien inventé. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a des aléas dans la mémoire d'un écrivain. Il peut disparaître un jour, même si ces maisons sont là pour pouvoir raviver cette mémoire, comme on ravive la flamme sous l'Arc de Triomphe. Mais néanmoins, effectivement, eh bien, certains d'entre eux, Charles-Louis-Philippe qui était cité tout à l'heure, il fallait savoir qui il était pour qu'on puisse comprendre pourquoi il avait encore une maison qui était visitée, en l'occurrence Bernard Vasseur. Mais s'agissant d'Aragon, oui, c'est comme c'est pas, en plus, il est pas dans les programmes scolaires au sens de Rimbaud, de Molière, etc. Enfin, vous voyez, bon, il ne l'est pas encore tout à fait. Je souhaite qu'il le devienne. Un petit peu, quand même, maintenant. Oui, un petit peu, sous l'angle artiste engagé, vous voyez, bon. La poésie de la résistance, etc. Bon, la Diane française. Comment ? La Diane française. La Diane française, voilà, oui. Mais on peut, nous, on ne sélectionne pas notre Aragon, on le présente tel qu'il est. le surréaliste, le dada, le surréaliste, le paysan de Paris, magnifique, blond comme les blés, etc. Et puis après le passage au réaliste, quand il a voulu être le Mayakovski français, d'une certaine manière. Donc effectivement, le poème Front Rouge, persécuté, persécuteur, où il salue le monde en gésine qui est l'URSS de ces années-là, etc. Bon, alors ça provoque des réactions. Vous voyez, par exemple, souvent les gens nous disent, mais dites donc, alors il était communiste et il avait une belle maison comme ça, vous voyez. Ou alors, je vous dis pas, dans les Yvelines, quand vous avez ce lieu donc d'Aragon, qui est un lieu où il venait pour se réfugier et écrire, donc où il cherchait surtout le silence et la tranquillité, et où aujourd'hui on doit faire venir du monde, vous voyez, c'est un paradoxe. Enfin, je voulais vous citer l'exemple de la maison d'Ernest Renan à Tréguier, parce que pendant très longtemps, on n'a pas pu parler à Tréguier d'Ernest Renan, c'était pas vraiment permis. Mais l'État, au travers des monuments historiques, avait acheté et classé sa maison. Ouais, et puis aujourd'hui, il y a effectivement une maison Ernest Renan, et où on y trouve beaucoup d'œuvres, de citations. On connaît mieux la personnalité de Renan. Et puis à quelques kilomètres de là, a ouvert aussi la maison qu'il louait pendant les grandes vacances. On voit bien que là se crée un parcours à un endroit où l'auteur était un peu chassé de chez lui. Or, Mirlou Bogneau, tout de même, c'est une spécificité française. On pourrait croire que c'est une spécificité française, cette question des maisons d'écrivains. On s'aperçoit en vous lisant et en lisant les auteurs qui sont ici ou d'autres, que les Anglais nous ont largement précédés, que d'autres pays comme l'Allemagne ou la Russie, l'Allemagne, je crois qu'il y a une quinzaine de maisons Goethe, par exemple, partout où il est passé, on a ouvert une maison à son nom. Mais néanmoins, on a rattrapé le retard tardivement à la fin du XXe siècle, mais de façon très très accélérée avec la naissance des lieux de mémoire et le développement de cette catégorie, pourrait-on dire, de lieux de mémoire. Oui, effectivement, ça s'est inscrit dans la valorisation des lieux de mémoire dans le courant de décentralisation culturelle des années 80-90. Après, dans les autres pays, l'approche est différente. En France, traditionnellement, on a plutôt une approche historique de la littérature, là où... C'est la gare des Michas. Voilà, avec une tradition, une importance accordée à la vérité historique et biographique. C'est un peu l'entrée traditionnelle qui avait été privilégiée dans ces lieux. En Angleterre, par exemple, le rapport est beaucoup plus géographique. On parle vraiment du lieu, de l'imaginaire des lieux, pour construire un site qui est intégré dans une destination un petit peu littéraire, le Haworth des Sœurs Brontë, où finalement se mêlent aussi bien des faits historiques que la légende et les écrits. Et finalement, plutôt qu'il y ait une opposition entre le réel et la fiction, on a plutôt comme une continuité, en fait, entre ces différentes dimensions. Et le rapport à l'expérience et l'authenticité, il se crée différemment. Et de fait, on a des initiatives qui prennent des tournures un petit peu différentes. Mais dans les démarches plus récentes en France, on a un petit peu cette dimension qui est intégrée. Je pense à la maison Jules Verne notamment, qui intègre beaucoup la dimension de l'imaginaire et des voyages. Ouais. Sébrine Yatin. Alain Tourneux, c'est le thème. Hein, c'est le thème de votre colloque, quand même. Prochaine rencontre de Bourges. Les maisons d'écrivains en Europe. Le 15 novembre prochain, le thème précis, c'est pour une Europe des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires. Et nous avons invité à la fois les responsables de maisons d'écrivains d'Allemagne, de Belgique, de Hongrie, de Roumanie, d'Italie, du Portugal, d'Espagne. Et on cherche à se poser la question de l'urgence de créer des réseaux de maisons d'écrivains en Europe. Et si on peut apporter un jour cette réponse-là, tant mieux, parce que nous avons des contacts, mais nous aimerions que ça aille plus loin. On pourrait les coupler avec ces villes-refuges qui avaient été créées à la volonté de certains écrivains dans les années 90, avec un réseau des villes-refuges pour tous les écrivains qui étaient en particulier, qui venaient de l'ex-Yougoslavie, par exemple, qui étaient poursuivis pour leurs opinions par leur pays et qui ont permis à certains de trouver une halte, pourrait-on dire, dans une fuite éperdue de leur propre pays, devant la guerre en particulier. Cela continue à vivre doucement, dirais-je. Pendant quelques années, le château de Ferney-Voltaire était ouvert à ces résidences d'écrivains étrangers. C'est une direction que l'on aimerait pouvoir prendre, effectivement. Sébrine Yatin. Et sur la question de la lecture et de la littérature, peut-être, hormis Mirlou Bogneau, On peut penser qu'en fait, ces maisons d'écrivains sont nées aussi à un moment où il y avait un rapport à la littérature qui était en perte de vitesse, contrairement à ce qu'on peut penser. Donc la maison d'écrivains apparaît pour remplacer quelque part une sorte d'attention donnée à la littérature. Est-ce qu'aujourd'hui ça a changé? C'est-à-dire, est-ce que la visite à la maison d'écrivains fait acheter des ouvrages justement de l'écrivain et réactive d'une certaine manière ces auteurs? Alors, on peut l'espérer. En termes de chiffres, je ne suis pas persuadée de l'effet. Après, on a énormément de visites de scolaires. Beaucoup de ces lieux sont quand même adaptés et construisent des visites pédagogiques qui font aussi découvrir les alentours. On a des librairies à Nohant notamment. La librairie de Nohant permet de... Et on vend beaucoup de Georges Sand, alors, du coup, à la sortie de la visite ou pas? Oui, à Nohant, oui. Dans la maison Jules Verne également. Voilà. Bernard Vasseur, un dernier mot? Oui, je suis persuadé de ça. C'est-à-dire que le fait de susciter l'envie de lire naît dans la visite de... Et nous, je vois, on a, je vous disais tout à l'heure, on a 10 000 scolaires qu'on accueille à la Maison Aragon. Sur 20 000 visites dans l'année. Oui, on a inventé des ateliers d'écriture, d'art plastique, de musique, de chansons, etc. L'autre jour, écoutez, je vais terminer là-dessus. L'autre jour, j'étais dans la cour de du moulin, puisque c'est un moulin à Saint-Arnoult en Yvelines, c'est ouvert tous les jours l'après-midi, et j'étais donc là, je passais, et il y avait des jeunes de vous voyez, 11 ans, à peu près 10 ans peut-être, pas tout à fait en 6e, quoi, qui étaient là. Il y en avait un avec sa casquette, là, sur le côté, vous voyez, qui disait à son copain à côté, et quand je passais, donc il savait pas qui j'étais, hein, il disait « Oh, dis donc, et Aragon, et c'est trop fort !» Vous voyez, bon, ben, je trouve que j'ai eu un petit sourire intérieur en me disant, voilà, on ne perd pas complètement notre temps, si vous voulez, voyez. Alors, demain, nous allons conclure avec vous, Séverine Yatard, dans un documentaire réalisé par Anne Fleury, cette série consacrée aux lieux d'écrivains. Vous êtes rendu dans un lieu connu pour autre chose, d'une certaine façon, le Chambon-sur-Lignon. Voilà, au Chambon-sur-Lignon, bah, connu pour avoir été refuge de beaucoup d'enfants juifs, pas seulement des enfants. Et là, Nathalie Hennick, qui est sociologue et qui a un lien intime, hein, avec le Chambon, puisque son père lui-même a été un réfugié pendant la guerre. Elle a acheté aussi une maison au Chambon-sur-Lignon, a voulu donc voilà, travailler sur la vie intellectuelle au Chambon-sur-Lignon, disons des années 30 à la Libération, et retrouver un petit peu ces maisons qui ont été habitées alors par des écrivains, des penseurs, pas seulement, voilà, des littérateurs. Et à partir de là, elle a réalisé une exposition qui est malheureusement terminée à la fin du mois d'août, mais aussi un catalogue de l'exposition qu'on peut consulter, et puis un topo guide. Parce que l'idée, évidemment, c'est de penser à ces écrivains en marchant. On écoute un extrait du documentaire qu'on pourra écouter demain. Là, si on continuait par ce petit chemin, vous voyez, on traverse ce bois et en 20 minutes, on est aux ruches, chez Raymond Aron. Voilà. Et donc, on a repéré le chemin que Chouraki a dû prendre pour aller de Chaumarger à Pont-du-Cholet pour rencontrer Jules Isaac. Et donc, ça passe par les champs et les bois, c'est magnifique. C'est plus joli que par la route, même si cette route est quand même très jolie, avec de très belles maisons. Voilà, là, on se retrouve à la sortie de Tence. On va reprendre la route qui mène à Saint-Agrève et qui passe juste au-dessus du Chambon. Ce que vous dites, Nathalie Hennick, c'est que beaucoup quand même de ces intellectuels, et c'est aussi pour ça que vous les avez choisis, ils ont été aussi pionniers dans leur œuvre. Oui, enfin, c'est quand même qu'il s'agit des économistes, des philosophes. Oui. Je pense qu'il peut y avoir un lien entre le fait que ces intellectuels étaient pionniers dans leur domaine et le fait qu'ils étaient très souvent marginaux. Alors marginaux soit parce qu'ils étaient protestants, hein, comme Gide, comme Ponge, comme Canguilhem, qui lui aussi a été un pionnier dans une certaine façon de faire de la philosophie qui n'était pas du tout courante à l'époque. Comme Ricoeur, évidemment, bon, autre grand philosophe protestant, soit parce qu'ils étaient juifs, soit parce que il venait pas du tout de l'intelligentsia parisienne. Camus, c'était quand même un fils de pied noir. Bon, Simondon venant d'une toute petite famille rurale, et cette position intellectuellement pionnière que l'on retrouve aussi, évidemment, chez tous ceux de l'école des prophètes, qui ont donc vraiment initié le renouveau de la pensée juive dans l'après-guerre. Léon Poliakov, auteur de l'histoire de l'antisémitisme, le premier livre d'histoire de l'antisémitisme, là aussi c'est manifestement un pionnier. Vous avez aussi invité, je crois, les enfants de certains de ces écrivains intellectuels à venir faire le parcours. Oui, en septembre 2017, on a organisé donc le parcours pour les familles, pour les enfants ou même petits-enfants donc de ces intellectuels. Ouais, c'était très émouvant. C'était très émouvant parce que le fait de se retrouver sur les lieux, surtout des lieux aussi frappants, donne une sorte de concrétude aux histoires familiales. C'est aussi une histoire de famille. C'est aussi une histoire de famille pour tout le monde, pour moi, pour eux. Voilà, on est dans des sortes de retrouvailles familiales d'une certaine façon. Par les lieux. Par les lieux, absolument. Voilà donc un extrait du documentaire que vous avez signé, Séverine Attard, avec Anne Fleury, donc sur les pas des écrivains et des penseurs au Chambon-sur-Lignon, qui n'est pas dans les Cévennes, comme je l'ai annoncé lundi. Des auditeurs m'ont corrigé, évidemment. Entre l'Ardèche et la Haute-Loire. Exactement, et c'est pas sûrement parce que dans cette ville se trouvait le collège Cévenol que je me suis trompé, ça n'est pas dans les Cévennes. Et nous allons pouvoir écouter tout cela demain, en conclusion de notre série. Merci à nos trois invités, Aurore Mirlou-Bogneau, merci à vous Alain Tourneux et Bernard Vasseur. On pourra évidemment en trouver sur le site de France Culture toutes les adresses, et en particulier celles des rencontres des maisons d'écrivains et des patrimoines littéraires à Bourges, aussi celle évidemment de la maison Aragon Triolet à Saint-Arnoult en Yvelines. Et annonçons donc effectivement que demain nous allons avoir ce documentaire sur le Chambon sur Lignon. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Aurélie Marsay. Jean-Frédéric nous a accompagnés à la technique et Anne Fleury à la réalisation.